dans les profondeurs de l'océan. Que croyez-vous, mes chers enfants? Que l'on n'y fait rien, que l'on s'y enferme. C'est que vous ne connaissez pas le tango de la baleine. Une fois par an, dans un champ de plancton, a lieu le bal des profondeurs. Pour requins, cachalots et espadons mettent leurs plus belles écailles, la tenue chic et de rigueur. La murène dans sa trompette en corail annonce l'arrivée de la reine du bal. Dame baleine, le noble animal, pour son tango doit se trouver un cavalier de taille. L'hippocampe minuscule, mais très sûr de lui, s'approche de la baleine et lui fait des courbettes. Le cétacé lui dit, vous êtes bien trop petit. Si je vous nage sur la queue, je vous transforme en galette. Allez, on danse. Le tango de la baleine. Pour la baleine sur la barrière de corail, trouver un cavalier reste un problème de taille. Soudain une coquille Saint-Jacques un peu folle surgit et braille. Je veux du rock'n'roll. Quoi? Du rock'n'roll? Ce n'est pas le rock'n'roll de la baleine, c'est le tango de la baleine. Pas gêné ces deux-là, hein? Toujours les mêmes, la coquille Saint-Jacques et sa copine la moufette. Bref, reprenons. Étoile de mer, d'humeur plutôt dansante, dites à la baleine, je suis votre cavalier. Oui, mais l'étoile a des branches urticantes, et voilà la baleine pleine.